السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on attend les frères et Ali. Barakallahu fik. Donc il y a qui dans la room, barakallahu fik, qui me fait la leçon à Dekrim, haïkallah akhi. Sahatour ou karim. C'était juste, yani vraiment 9h30, le ventre yani, il est encore en train de digérer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré retarder un peu. Et en plus, il y a le couvre-feu ici, il est à 22h. Il est ici après à 22h, tout le monde doit rentrer à la maison. On voit les invitations. Non. Je t'envoie les liens au frère. C'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Une petite minute et c'est bon. Salut les frères, donc on. C'est une suite de demain, Charles, de ce qu'on a fait hier. Hier j'ai fait court, à peu près 30-40 minutes. Aujourd'hui on va faire pareil, 30 minutes, Charles, là, à peu près. Donc, Imran, envoie l'invitation aux frères et tout ça, comme ça. Parce que Imran, tu m'entends, frère. Pour les frères de Nice et tout ça. Heures c'est parfait, 22h, 20... les gens ils sont à la maison, et ils veillent la nuit. Aïe, Redouane, salam alaykoum, akhi. Qu'Allah Azzawajal te facilite, mon frère. C'est pas évident l'endroit où tu fais le Ramadan, qu'Allah Azzawajal te facilite. On commence, c'est bon? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله. Donc on va méditer ensemble aujourd'hui sur un verset dans sourate البقرة في كنو لقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne à Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc avant de faire l'explication de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, il a jeûné 9 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a jeûné en tout dans sa vie 9 fois. Bien sûr, le jour où il a été rendu, bien sûr, obligatoire, 2 années après l'Hijra, c'est-à-dire à Médine. Et Saïd ibn Jubayr, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait, avant nous, yani, le jeûne était des premières heures de la nuit jusqu'à la nuit suivante. C'était ça le jeûne, yani, avant Saïd ibn Jubayr. Et Hassan al-Basri qui disait, le jeûne a été prescrit aux juifs. Parce que regardez le verset où Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam. كما كتب على الذين من قبلكم. Comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi il y avait des communautés avant vous, avant nous, yani, les chrétiens, les juifs. Eh, n'am. Al-Hassan al-Basri qui disait, le jeûne a été prescrit aux juifs. Mais avec le temps, ils le délaissèrent. Et ils se mirent à jeûner une seule fois dans l'année. C'est-à-dire le jour de Ashura. Ashura, qui est le 10 de Muharram, c'est là où Moussa, il a été épargné de Pharaon, que la mer s'est ouverte en deux et tout ça. C'est le jour de Ashura qui est connu, où il est légiféré de jeûner. Donc les juifs, ils ont arrêté de jeûner. Enam. Ils ont arrêté de jeûner et ils se mirent à jeûner un seul jour dans l'année, qui est Ashura. D'accord. Donc, les chrétiens, par contre, ils jeûnaient aussi. Ils avaient, yani, ils faisaient le jeûne. Mais à cause de la canicule, ils ont changé les jours. Ils ont fixé d'autres jours, wa la'oudhu billah. Puis après, ils ont rajouté 10 jours de plus pour se racheter, comme expiation. Et Allah Azza wa Jal, il nous a montré comment on doit jeûner. On va le citer à la fin du site, du verset. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Oh, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, as-siyam. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. À ceux d'avant vous. Allah Ta'ala, il nous ordonne de l'adorer. Avec multiples formes d'adoration. Que ce soit la prière, le siyam, zakat, le hajj, et ainsi de suite. Nawa'a hadhi al-ibada. Il y a multiples adorations. Et parmi ces adorations, c'est siyam. Wa minha ma yajma'a bayna al-badani wal-mal. Il y a des adorations qu'on fait avec les membres, et des adorations qu'on fait avec l'argent, et des adorations qu'on fait avec les membres et l'argent. Les adorations qu'on fait avec les membres, comme vous savez tous, c'est la prière, le siyam. Et des adorations qu'on fait avec l'argent, la zakat. Et des adorations qu'on fait avec les membres et l'argent, al-badani ou al-mal, qui est le hajj, comme vous connaissez tous. Le pèlerinage qui se fait avec le badan, yani, sa propre personne et son argent. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. هذا خطاب مخصوص للطائفة من الناس وهم أهل الإيمان. Donc, oh vous qui avez cru. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse aux croyants en leur disant, oh vous qui avez cru. Et ça c'est, il s'adresse aux croyants parce qu'il a, comme il dit, anwa' al-khitab thalatha. Allah Azza wa Jalla s'adresse avec trois formes ou trois phrases avec les êtres humains. Ya ayyuha alladhina amanu, oh vous qui avez cru. Ya ayyuha alladhina kafaru, oh vous qui avez mécru. C'est-à-dire le contraire des gens qui croient. Wa ya ayyuha an-nas, c'est-à-dire oh vous les gens, tout le monde. Ya ayyuha alladhina amanu, oh vous qui avez cru. Et la croyance, mes frères, هو كما تعلمون علم وعمل لأن الإيمان قول وعمل. Quand tu dis j'ai la foi c'est les actes et la parole avec la langue et la croyance avec le cœur. La croyance avec le cœur, que dans ton cœur tu noues dans ton cœur qu'Allah Azza wa Jal il est sur son trône, il existe, qu'il va nous ressusciter. Tu le noues dans ton cœur. Ta'taqid. Tu noues. Tu fais un nœud, tu le noues. Hada l'i'tiqad. Wa qawlu bil lisan. Le fait de dire avec sa langue que je suis croyant. Je suis musulman. Wa l'amalu bil arkan. Et le fait de œuvrer. De mettre en pratique ce que tu as noué dans ton cœur et ce que tu as dit avec ta langue. Et ça, c'est la croyance des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ils ont rajouté même, yazidu bita'at al-Rahman wa yanqus bita'at al-Shaytan. Et ça augmente avec l'obéissance du miséricordieux, et ça diminue avec l'obéissance du Shaytan. Et hatta, les ulama, ils ont dit, il y a les cinq nun dedans. Il y a les cinq nun, la lettre nun, yani, al-i'tiqad bil-jinan, ça c'est le premier nun. Wal-qawl bil-lisan, deuxième nun. والعمل بالأركان troisième nun. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Il y a les cinq lettres qui, dans la langue arabe, qui est nun. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. Pourquoi, mes frères? Il y en a, ils font rien, ils pratiquent rien. Et tu dis, moi, je suis croyant. Il fait ni la prière, il fait ni zakat, ni le ramadan, ni le, il fait rien de l'islam. Et tu dis, un mu'min, un muslim. Ya akhi. Pour prouver ta croyance, il faut que tu la mets en pratique. Il faut que tu la mets en pratique. Allah t'a ordonné de faire la prière, tu fais la prière, tu fais zakat. Et tu le fais tout en étant serviable. Comme on l'avait dit hier, quelqu'un quand il jeûne, quand le jeûne du ramadan arrive, il est content, yafrah. Pas il est triste. Ça c'est parmi les caractéristiques des hypocrites. Et quand tu fais pour Allah Azza wa Jalla la prière, le jeûne, zakat, tu le fais yani, par amour, tu le fais, tu es serviable envers lui. Tu ne fais pas aller comme si c'était un fardeau pour toi. Ya ayyuha alladhina amanu. Oh vous qui avez cru. Donc Allah Azza wa Jal, quand il mentionne cela, un nida, il appelle les gens, ça montre l'importance de ce qui va être dit après. Quand on entend Ya ayyuha alladhina amanu, oh vous qui avez cru, prête attention à ce qui va être dit après. C'est comme ils disent Ibn Mas'ud et d'autres. فَإِنَّهُ خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ. Comme il a dit, نعم, sahaba, Ibn Mas'ud, نعم, إِذَا سَمِعْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَرْعِهَا سَمْعَكُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ تُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ تُنْهَا عَنْهُ. Ça c'est important ce qu'il dit Ibn Mas'ud. Yani, quand on entend, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, oh vous qui avez cru dans le Coran, c'est la meilleure des choses qui va être ordonnée pour toi. Ou la pire des choses qui va être interdite pour toi. Ou la pire des choses qui va être interdite pour toi. Kutiba alaykum as-siyam. Kutiba alaykum as-siyam. Il vous a été prescrit le siyam. Ay furida alaykum. C'est-à-dire prescrit, rendu obligatoire. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam, comme vous connaissez tous. Ruknun min arkan al-islam. Et à l'époque, yani, Siyam, Qablana, كان من كل شهر ثلاثة أيام. Et les gens, ils jeûnaient trois jours dans chaque mois. Depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. Depuis l'époque de Nuh, alayhi salam. إلى أن نسخ الله جل وعلا نسخ الله بصيام شهر رمضان. Jusqu'à que Allah عز وجل il abroge avec le jeûne du mois de Ramadan. Qui a dit ça, bien sûr, Ibn Abbas, والضحاك, والإمام Qatada, رحمه الله تعالى. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le siyam comme on l'a prescrit de ceux qui, naam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. La'allakum tattaqoun. Et c'est ça la base de, du jeûne de mois de Ramadan. C'est pour atteindre la piété, pour avoir un haut niveau de piété. Et d'autres, ils disent, yani, tattaqi, yani, t'éloigner des choses de sharab wa ta'am et des femmes. Tattaqoun min at-ta'am wa sharab wa nisa, t'éloigner du manger, t'éloigner des boissons et des femmes pendant ce mois-ci, pendant ce mois-là. La'allakum tattaqoun. Ayyam ma'doudat. Pendant un nombre déterminé de jours. Comme vous savez tous, la lune, elle est de quoi? Elle est 29 ou 30 jours. Ça n'existe pas 31 jours. Pendant un nombre déterminé de jours. Nous, on fait pas un mois de Ramadan hors du mois de Ramadan. On fait pas un mois. On va dire, on va faire un mois, yani, on va faire Tarawih, on va faire Siyam. Comme si c'était le mois de Ramadan. Non, c'est parmi des jours qui sont déterminés. Qui est pendant le mois de Ramadan. Quiconque d'entre vous. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Comme vous savez tous, quelqu'un qui est malade, il y a une maladie, il y a deux sortes de maladies, des maladies chroniques, yani, muzman, qui sont durables, et maladie, une grippe qui peut arriver pendant le mois de Ramadan. Tu as une grippe pendant le mois de Ramadan, tu peux pas jeûner, tu rattrapes ton jour après le jour, après le Ramadan. Par contre, si ta maladie elle est chronique, elle est durable, comme le soukour, le diabète, et plein d'autres maladies, l'asthme et tout ça, tu peux pas jeûner, le docteur il t'a fait une prescription, tu peux pas jeûner. Dans ce cas-là, tu nourris pour chaque jour manger un pauvre. Pour chaque jour manger, tu nourris un pauvre. فَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Si tu es malade, t'as eu la grippe, ou t'es en voyage, et que dans ce voyage-là, comme il dit Cheikh Othaymine et d'autres, si c'est un voyage qui est difficile, et que tu sens qu'il y a la difficulté, tu peux, tu manges, et tu rattrapes un autre jour, un seul jour. Par contre, si tu vois que le voyage, il est facile, il n'est pas compliqué, tu peux, et si tu jeûnes, cela est meilleur pour vous. Al-Muhim, tu as le choix quand tu voyages. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation. Et ta'am miskin. Compensation, c'est quoi? C'est nourrir un pauvre. Nourrir un pauvre. Donc aujourd'hui, il y en a, ils savent pas comment nourrir les pauvres. Il te dit comment je fais nourrir, machin, il n'y a pas de pauvres aujourd'hui. Il y a des solutions. Il y a des solutions. On peut, admettons, voir une personne qui a un restaurant, admettons. Il a un restaurant, un snack ou un truc. Et tu connais un pauvre dans la ville. Tu vas voir le gérant, le responsable du restaurant. Tu lui dis combien je veux faire 30 plats, admettons, ou 20 plats pendant tout le mois de Ramadan. Il te dit combien ça fait, tu payes, tu donnes la somme d'argent de tous les plats qui va compenser, yani, et la personne qui est pauvre, il va venir manger tous les jours. Là, on peut le faire comme ça, on peut faire cette solution-là. Mais donner de l'argent, les savants, ils ont interdit cela. Donner de l'argent, comme certains, ils ont fait des fatwas, les frères musulmans et d'autres, ils ont interdit cela. Pourquoi mes frères, ils ont interdit cela? Parce que le verset, il est clair. Nas, il est wadah. Nourrir un pauvre, il a dit. Il n'a pas dit donner de l'argent. Car avec l'argent, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Tu leur donnes de l'argent, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Nourrir un pauvre, tu le nourris. Allah Azzawajal, il a utilisé le terme « et'am ». Est-ce que c'est difficile pour Allah Azzawajal de dire « unfiq » ou « ya'ni mal » ou « a'ti le mal » ou « non, c'est facile pour Allah Azzawajal. Il a utilisé le terme « et'am ». C'est comme « zakat al-fitr ». Quand tu sors « zakat al-fitr », la sunna, tu la sors en manger. Tu sors de la nourriture. Tu sors pas, yani, de l'argent. Comme ils font tous, là. Ils montent dans une mosquée, 5 euros, 6 euros, 7 euros, et ainsi de suite. Ils se basent par rapport à Abu Hanifa, rahimahullah, juste un madhab, hein, un seul madhab d'Abu Hanifa, qu'il a dit, tu peux la sortir en or. Nuqad, yani, en or et tout ça. Et, les ulama, comme l'imam Ahmed, l'imam al-Sunna, les grands imams, Ahmed, Malik, wa Shafi, même les malikites, yani, que eux se prétendent d'Ahnu Malikiya. On est des malikites. Les Malik, Malik, Abu Hanifa, Ahmed, ainsi que Kam, Jumur ulama, ils disent, tu la sors, it'am, de la nourriture, zakat al-fitr. Tu sors la nourriture, tu donnes, tu prends pour chaque personne 2,5 kg à peu près, ça dépend, le riz, le rose et tout ça, ça diverge, à peu près 2,5 kg, pour chaque personne de ton foyer, tu sors, tu donnes aux pauvres. Et tu dis, non, mais il faut leur donner de l'argent, à l'Aïd, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin pour acheter des habits. Eh ben, donne la zakat al-fitr à manger, et après, tu veux leur donner de l'argent pour acheter pour l'Aïd, là, ben, c'est bidalik. Mais de faire une fatwa, comme ils font tous, et faire le fitna, et ramener des aqwal shad, des aqwal yani qui sont faibles, qui ont été yani réfutés par les gens de Al-Sunnah, et qui ont été contredits, et qui contredit les versets et les hadiths, ils font le fitna, non, vous sortez en argent, sortez 5 euros, 10 euros, là, zakat le fit, tu la sors à manger. Le prophète a utilisé le terme sa'y, yani, manger. Il y a une différence entre manger et sortir de l'argent. Donc là, on fait quoi? On sort pas de l'argent, mes frères. Si quelqu'un, il a une maladie mouzman, une maladie qui est curable, qui est comme le diabète, le sucre, ça, qui peut pas jeûner, il nourrit pour chaque jour manger un pauvre. Donc, là, il dit, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Si vous saviez. Puis après, Allah Azza wa Jalla dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ces jours sont le mois de Ramadan. شهر رمضان. Durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et le discernement. هدى للناس par ce Coran يهدي به كثيرا. Allah Azza wa Jalla par le Coran, mes frères, il guide beaucoup de gens, comme dans le Baqara, encore dans un autre verset, ويضل به كثيرا, et il égare beaucoup de gens dans le Coran, mes frères, hein. Ça c'est une question استفهام, يعني. Quelqu'un qui veut ramener les contradictions dans le Coran, il dit regardez votre Coran, il guide par ce Coran, il guide beaucoup de gens et il égare beaucoup de gens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire votre Coran il égare et il guide? Là. Quand tu lis le Coran avec une bonne intention de rechercher la vérité, de croire que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, de pas chercher les contradictions qu'il y a dedans, par la permission d'Allah Subhanahu Azza wa Jal, il va t'orienter, il va te guider, il va ouvrir ton cœur dans la compréhension de la bonne compréhension du Coran et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si dans ton cœur tu lis le Coran, tu cherches les contradictions, ouais, mais dans tel verset il dit ça, dans l'autre il dit ça, pourquoi ça se fait, pourquoi il dit ça, là il se contredit, là il se contredit pas, là. Comme ils font dans le kafara, votre Coran, il est contradictoire. Allah, par Allah, il les aveugle complètement, il peut le lire 20 fois, 30 fois, ça lui servira à rien. Yahdi bihi kathira, wa yudhillu bihi kathira. Par le Coran, Allah, il guide beaucoup de gens, et il égare beaucoup de gens aussi. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasikhin. Et il n'égare que les pervers, pervers dans leurs croyances, pervers dans leurs actes, et ainsi de suite. Rastan dans leurs croyances. Ils sont pervers quand ils lisent le Coran. Ils ne le lisent pas avec un cœur saint, avec un cœur pur, avec la recherche de la vérité. Wallah, mes frères, il y a une grande différence entre quelqu'un qui lit le Coran, en recherchant le haqq, il ouvre, il dit, moi, je veux la vérité. Allah, il va pas l'égarer, quelqu'un qui est comme ça. Moi, je veux juste la vérité, je veux lire. Mais quelqu'un, il lui, attends, je veux voir. Ce Coran, là, il est plein de contradictions. On va chercher c'est quoi les erreurs. Moi, je suis un grand scientifique, je suis un grand écrivain, je suis fort dans la littérature. On va voir, il va commencer, Allah Azza wa Jalla va les garer, Wallah Musta'an. Ay na'am. Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Comme il a été révélé le Coran. Comme vous savez tous, à Jibril, alayhi salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la grotte, à Ghar al-Hira, et qu'il lui a dit, lis trois fois, yani, lis, iqra. Il a dit, ma anabiqari, je ne sais pas lire. Ma anabiqari, il savait pas lire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur, celui-là qui a créé. Et quand il est rentré chez son épouse, il a dit, zammilou, il avait froid. Il voit un ange comme ça. Fi ghar al-Hira, laylat al-Qadr, pendant le Ramadan, la nuit du destin. C'est à ce moment-là que le Coran, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été révélé, yani, la première sourate. Iqra. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبينات c'est-à-dire des preuves mais qui sont claires et la bonne direction et le discernement al-furqan il y a même une sourate dans le Coran qui s'appelle al-furqan s'appelle le discernement pourquoi on appelle le discernement mes frères parce que c'est parmi les noms de le Coran en plus le Coran on peut dire le Coran ou le Furqan le Coran ou le Furqan le discernement لانه يفرق بين الحق والباطل parce qu'il discerne entre le vrai et le faux يفرق بين الحق والباطل comme le calife le grand calife qui est connu Omar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه le grand calife le premier deuxième calife de l'islam on l'appelait al-Farouq Sa kunya, c'était Al-Farouq. Al-Farouq, c'est-à-dire celui-là qui discerne entre le vrai et le faux. Naam, il avait ça comme kunya, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala. Thumma qala rabbuna jalla wa ala, faman shahida minkum al-shahr falyasum. Donc, quiconque, il dit jalla wa ala, d'après le sens, quiconque d'entre vous, d'entre vous, présent en ce mois, qu'il jeûne. C'est pas une bonne traduction dans le verset. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ Celui-là qui témoigne, on va dire, de ce mois-là. Celui-là qui témoigne de ce mois-là, فَلْيَسُمْ Qui le jeûne. Qui témoigne, c'est-à-dire, il voit la lune. Il voit la lune de Ramadan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ Celui-là qui voit la lune du mois de Ramadan qu'il jeûne. Il faut que ces deux personnes, yani, juste, ou une personne, adl, un shahid amin comme shahr, et ceux qui voient le mois, la lune du mois de Ramadan, qu'ils le jeûnent, faliyasumhu. Il informe les gens, j'ai vu la lune, et ainsi de suite. Et on ouvre une parenthèse là-dessus, mes frères. Ash-shahada takun bil-ayn, yani, le témoignage, il faut qu'il ait avec l'œil oculaire. Quand on voit la lune, il faut qu'on la voit avec l'œil oculaire, ou, comme dit Charles Fauzin et d'autres, mes chers, mettre les télescopes, on peut le lire avec les trucs là, les espèces de jumelles et tout, pour faciliter et pour voir la lune, on peut dans cela. Mais ce qui est interdit, mes frères, ce qui est interdit, c'est les calculs qu'ils font chaque année. Les calculs. Ils disent le ramadan, c'est le 12, c'est sûr. Ils ont fait les calculs, ça fait un an, deux ans, trois ans. Et une fois, j'avais fait un niqash avec un imam. Il m'a dit, le calcul, il se trompe jamais. La licorne en face de l'autre truc, il m'a expliqué des trucs d'astronomie, là. Là, comment la licorne, j'ai rien compris, André. Moi, les gens, ils ont besoin de savoir. Allah Azza wa Jalla nous a dit, pourquoi tu compliques la tâche aux musulmans, toi? Je dis, vous dites que nous, on est durs, les gens de la sunna, on est durs, mais c'est vous qui compliquez la tâche aux musulmans. Nous, on adore Allah Azza wa Jalla avec ce qui nous a légiféré. On n'adore pas avec des calculs. Comme ils font eux. Le calcul, comme il dit Cheikh Salah al-Fawzan, amalun bashari, yukhti wa yusib, il dit. Le calcul, c'est un acte que l'être humain fait. Il peut avoir raison, il peut se tromper. Amma al-hilal, muqaddar, subhanallah, min Allah azza wa jal. Tandis que la lune, c'est muqaddar, yani. C'est Allah azza wa jal qui fait que cette lune elle va apparaître. Muqaddar, min Allah subhanahu azza wa jal. Elle se trompe jamais. Allah, il se trompe pas dans ses, dans ce qu'il fait. Jalla wa ala. Il a créé le monde et les êtres humains à la perfection. Wallahi, une perfection. Les êtres humains, ce qu'ils ont besoin, les animaux, ce qu'ils ont besoin, la nourriture, est-ce qu'on a besoin. Il nous a créé à la perfection. Pendant des siècles et des siècles, la terre, elle tourne. Hein, le soleil, ainsi de suite, le lever, le coucher, il n'y a pas eu une panne. Ou un défaut, une défaillance. Tandis que l'être humain, quand ils font des avions, ils font des choses, ils font... Obligé, au bout de 5 ans, 10 ans, ça tombe en panne. Obligé. Obligé. Même la lumière qu'elles font, elle tombe en panne. Change de lumière. Allah Azza wa Jalla a créé le soleil. Il n'y a pas... Tous les jours, il est là. Sauf, il y en a à la fin des temps, quand il va se lever de l'autre côté. Et quand il va se rouler en enfer, wala'udu billah, qu'Allah me préserve et vous préserve. Elle se roule en enfer, le soleil. Il disparaît. Donc Allah Azza wa Jalla, il a créé de sa création, il a créé les choses de la perfection. Donc, ces choses-là, yani, quand nous, les gens de la Sunna, on réfute ces gens-là que non, on ne se base pas par rapport au calcul. Arrêtez de vous tromper dans ça. Et de tromper les musulmans. Vous êtes complètement dans l'erreur en faisant cela. Celui-là qui voit la lune, celui-là qui témoigne de la lune du mois de Ramadan, qu'il jeûne. Et dans le hadith que vous connaissez tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Soumou li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi. » Jeûnez quand vous voyez la lune, c'est-à-dire la lune du Ramadan. Et rompez le jeûne quand vous voyez l'autre lune, c'est-à-dire la lune de Shawwal. Donc il dit, « Jeûnez, soumou, quand vous la voyez, pas quand vous calculez. » Il y a une grande différence, mes frères. Et ça, chaque année, ils font des troubles avec cela. Wallah musta'an, les frères musulmans et leurs cliques. Et c'est toujours eux qui font des troubles. C'est toujours eux. Les frères, la secte des frères musulmans, mes frères. Ils font un combat acharné à la da'wa salafi, à la da'wa de Ahl Sunnah. La prédication des gens de la Sunnah, du consensus, les gens qui appellent au vrai, les gens qui appellent au Coran et à la Sunnah, ils leur font un combat intensif. Et on ouvre une parenthèse. Même Abdelkrim, si tu peux la mettre, elle est toute seule, ça là. Juste, aujourd'hui, ils veulent plus d'imams qui disent Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils veulent plus de ces imams-là. Que ce soit en France, ou même, dans les frères musulmans qui s'occupent des cultes musulmans, le CFCM et tout ça, ils veulent pas ces imams-là. Et tu dis, ils sont intégristes. C'est des terroristes. C'est des gens qui sèment la haine dans les cœurs des gens. Vous êtes des plus grands menteurs que la terre ait jamais allé porter en disant des choses comme ça. Les gens de la Sunna, c'est les gens les plus justes. C'est les gens qui sont loin du terrorisme. C'est les gens qui mettent en garde contre le terrorisme en détail. Tu verras aucun frère musulman faire une khutbah al-jumu'ah en détaillant l'école des khawarij. Les khawarij, yani, ceux qui sortent contre les gouverneurs, qui rendent mécréants les musulmans, qui tuent les musulmans et les non-musulmans dans leur pays avec des attentats suicides, se faire exploser, tuer des innocents, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde entier. Tu verras que les frères salafis qui mettent en garde contre cela le Jumu'ah, le vendredi, et en détail en plus. Mais eux, les frères musulmans, comment il faut le faire? On condamne le 11 septembre, on condamne les attentats de Paris, on condamne les trucs de Nice. Fakat, comme si c'était un homme de la télé qui parle. Regarde, monsieur qui parle, on condamne, on condamne. Nous, on condamne pas, nous on fait un travail depuis longtemps. Ces choses-là, on les enlève des cœurs des gens, leurs ambiguïtés. Les ambiguïtés qu'un jeune il peut avoir, c'est nous qui on fait ce travail, c'est les imams qui font ce travail-là. Et c'est grâce à eux. Et c'est une cause pour que eux, les jeunes, ils tombent pas dans le terrorisme. Aujourd'hui, ils veulent des imams qui disent même plus Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. On entend des imams sur YouTube qui sont vus par des milliers de personnes. Des milliers. Comme Hada Osmo, Abu Osmo, pas Koussein, yani. Ou Oussana, voilà, Oussama, il y a des femmes de Allah. Ils disent Aristote a dit, Socrate a dit, Platon a dit. Toute une khutbah, il n'y a pas un seul verset, il n'y a pas un hadith, il n'y a pas une parole d'un savant. Il parle, il tchatche. Le gars, il tchatche. Il parle comme s'ils étaient ses collègues et tout ça. Eh oh, ton mimbar, c'est pas ton mimbar à toi. C'est pas ton mimbar, t'en fais pas ce que tu veux. C'est pas chez toi ce que tu fais ce que tu veux. Le mimbar, quand tu montes sur le mimbar, tu dois dire Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, les sahabas ont dit, les ulama ont dit. Tu n'as pas le droit de ramener un truc de ta tête. Parce que c'est pas à toi ça. Et parce que c'est des grands lecteurs. Quand ils lisent le Coran, tu dis, mashallah, il dit comme Souda ici. Tu pleures quand il est. Mais par contre, quand il monte, fait le mimbar, il dit, tiens, deviens notre imam, toi, fais-nous les khotbah et tout. Il sort des catastrophes, ça devient une star après. Ça devient une star. Milliers de personnes qui sont vues. Mais c'est un gars, il est doux, il est gentil. Il a intégré. Et ainsi de suite. Faut pas tomber dans ce panneau-là. On ferme la parenthèse sur cela, barakallahu fikum. Donc, voir le mois du Ramadan, c'est le voir avec l'œil oculaire. فمن كان أو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Donc ici vous êtes le verset se répète et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah Azza wa Jal pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. On arrête là les frères. Actafi yani. Boussana, aynam. Boussana. C'est هذا l'imam Boussana, ahsant. Hassan Koussan aussi. Et ainsi de suite yani. Wallah al-musta'an les frères. C'est des catastrophes. Des catastrophes. Wallah, et c'est des catastrophes, ils font des dégâts, ils font. Dans la communauté musulmane. Donc inchallah on termine demain. Là on a terminé ce verset là. On va ramener quelques fawaïd demain, inchallah. Et demain, on fera les annulations du jeûne. Demain, à 22h pile, on fait les annulations du jeûne. De Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans Moulakhas Al-Fiqh, un livre de Cheikh Al-Fawzan, de la jurisprudence, concernant les annulations, il en cite 6 à peu près, ou 5. Donc, on fera ça demain, inchallah, bi'idhnillah azza wa jal. Et après, on continuera l'histoire des empires musulmans, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. On fera vite fait une demi-heure, inchallah, à peu près tous les soirs, de 22h à 22h30. 22h, c'est parfait, parce que le mort, il est à 8h30, le temps qu'il mange, les enfants, ils dorment, là, ci, et ça. Enfin, on digère et tout. C'est un bon temps, 22h. Et le couvre-feu ici, il est à 22h, donc le bon temps, c'est à peu près 22h, wallahu ta'ala, a'lam. Wa subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. بارك الله